Chapitre 24e. Ici, le journal d'Henri porte la trace d'une lacune. Deux ou trois mois s'étaient écoulés, pleins de luttes et de travaux dont il ne parlait pas. Il le reprenait en ces termes. « Mon père m'a quitté. Il prétend que je suis en âge de pratiquer la vie et de tenir tête à tous les orages. Les plantes faibles ont seul besoin d'un tuteur, m'a-t-il dit. J'ai confiance en toi et bonne opinion du courage que tu montreras par la suite. » En attendant les nouveaux coups du sort, et quelle existence en est épargnée, il faut que ton jugement se forme et que ta raison se fortifie. Il n'y a d'expérience solide que celle qu'on acquiert par les épreuves personnelles. Je te laisse dans Paris. Regarde, cherche, compare, ne te presse pas. Il y aura toujours dans les débris de mes richesses englouties des ressources qui te permettront d'attendre, non pas dans la paresse, mais dans le travail. Quand tu auras choisi ta voie, tu me le diras. Nous verrons où elle peut te conduire. De mon côté, je vais y penser. Le premier qui aura trouvé en instruira l'autre. Il convient qu'après avoir coudoyé les hommes dans les salons, tu les rencontres dans les affaires. À ce dernier mot, j'ai dressé l'oreille. Mon père a vu ma surprise, il a souri. « Sois sans inquiétude, » a-t-il repris. « Je ne prétends pas t'asseoir dans l'étude d'un notaire ou les bureaux d'un agent de change. Je ne te pousse pas vers l'argent. » Mais il y a 20 carrières ouvertes à l'activité humaine où l'intelligence trouve à employer utilement ses facultés. Tu verras l'industrie dans ses plus éclatantes manifestations et tu apprendras au travers des grandes usines à te mêler à la foule des producteurs. Là seront les cerveaux qui dirigent, les bras robustes qui travaillent, et un jour tu pourras dire « Moi aussi, j'ai gagné mon pain à la sueur de mon front. C'est quelque chose. À présent, adieu. Mais surtout, ne te crois pas invulnérable. » parce que tu as une cicatrice au cœur. » M. de Bléret est parti avec mon père. Ils vont à la Cormelle où ils resteront ensemble quelque temps. J'avais les yeux humides en les embrassant. Il m'a fallu ces tristes jours que je viens de traverser pour comprendre tout ce que vaut l'homme que la Providence a placé près de moi, au-dessus de moi. Quand on est enfant, on accepte sans y prendre garde les plus magnifiques preuves de dévouement. Elles sont en quelque sorte de droit naturel. Il faut les orages et les blessures pour les apprécier dans toute leur vérité. Maintenant que j'ai pu pénétrer dans l'âme vigilante et forte qui veilla sur mon berceau et me suit dans la vie, ma reconnaissance égale ma tendresse. Mon père est loin, mais je le sens près de moi. Là-dessus, Gilbert et moi, nous nous entendons. Il l'adore et il le vénère. Le bien est plus facile lorsqu'on a une telle lumière devant soi. J'ai passé une soirée charmante. Peut-être aura-t-elle des conséquences dont plus tard ma vie se ressentira. Quelque chose me le dit. Un mouvement de curiosité m'avait poussé dans un théâtre où l'on joue une pièce en vogue. Il y avait foule partout. Pendant un entr'acte, mes yeux inattentifs tombèrent sur une jeune fille qui occupait le devant d'une loge en compagnie de deux personnes âgées. La modestie et la gaieté brillaient sur son visage. Ses yeux promenaient partout des regards où l'on sentait le contentement et la bienveillance. Un sourire frais caressait ses lèvres. Avec tout cela, un air d'intelligence et de bonté. Il me sembla que j'avais déjà vu cette jeune fille, mais où et dans quelles circonstances? Tout à coup, un nom brilla dans mon souvenir. Oui, c'était bien Léopoldine de la Morlaix, cette même Léopoldine qui s'est endormie dans mes bras à la Cormelle. Mais une Léopoldine mûrie par quelques jeunes saisons, embellie, revêtue de plus de grâce, et telle que doit être dans la fleur de ses 20 ans celle qui un jour m'a tutoyé. J'étais sous le charme. Je n'ai plus écouté la comédie dont elle ne perdait pas une parole. Léopoldine était là comme un reflet du temps passé. Grâce à elle, je voyais la Cormelle et son toit de chaume, les pigeons lissant leurs ailes de moire sur les cheminées, le bon vieux cheval blanc tout ébouriffé, les chèvres échangeant des coups de corne, le verger rempli d'arbres, Falco bondissant autour de blaireaux endormis, la bigorne allant et venant et caquetant avec ses poules. J'entendais la voix de Noël et les grands coups de cognée qu'il donnait pour fendre le bois mort. Un pas élastique et régulier sonnait sur la route. Mon père poussait la porte à claire-voix qui fermait le paquis. Toute la maison était en l'air. Ah, le bon temps! La toile est tombée au milieu d'un tonnerre d'applaudissements. Ma vision s'est envolée et la jeune fille s'est levée. Le phénomène que certains physiologistes ont constaté et qui résulte d'une attention constante fixée sur le même objet, la contrainte à tourner ses yeux vers moi. C'est bien le même visage charmant et la même expression qu'autrefois, et c'est bien elle, je le sens. Malgré moi, je l'ai suivie jusqu'à sa voiture. Elle avait en marchant une allure souple et rapide, un pas harmonieux. Je prenais un plaisir singulier à la regarder. Que fait-elle à Paris? Y demeure-t-elle? Ou n'y est-elle qu'en passant? Si le hasard m'amenait à la Morlaix, m'y reconnaîtrait-elle? Et si elle est vraiment telle que je l'ai vue, voudrait-elle d'un cœur flétri par un indigne amour? Dans cette ville où souvent l'on ne sait même pas qui habite à côté de vous, sur le même palier, on apprend tout quand on le veut bien. J'ai su que Mademoiselle de la Morlaix avait passé 6 semaines à Paris et qu'elle en était repartie il y a 2 jours. C'est un hasard qui l'y a conduite. Pourquoi la nouvelle de son départ m'a-t-elle attristée? Pourquoi ce sentiment de douceur et de bien-être quand je l'ai aperçu? Qu'est-elle pour moi? La reverrai-je? Je ne tenterai peut-être aucun effort pour la rencontrer de nouveau, et si j'acquérais la certitude que jamais ma vie ne sera mêlée à la sienne par quelque chose, mon cœur se serrerait, comme elle dormait doucement dans mes bras. J'ai pu voir jusqu'où va la puissance de la volonté quand on a la ferme résolution de tenir tête au lâche conseil de la défaillance et de lutter contre ces abattements qui succèdent aux violentes secousses. J'étais par terre un jour, je me suis relevé, et si les meurtrissures sont encore visibles, je suis debout. Les livres ont repris tout leur attrait. Si par intervalle une image autrefois souveraine en obscurcit encore les pages, un effort la dissipe, et bientôt l'étude m'a reconquis. Me voilà pourvu des diplômes qui ouvrent toutes les carrières de la vie active. La science, l'industrie, la diplomatie, la magistrature me sont offertes. Mais rien ne me sollicite et ne m'entraîne. Mon père me dira ce qu'il faut que je fasse. À son premier commandement, j'obéirai. Gilbert a là-dessus d'étranges théories. Il assure qu'en ne faisant rien, il est plus occupé que ceux qui font quelque chose. D'abord, dit-il, j'apprends tout ce qu'ils ne font pas. Foin des hommes qui tournent dans un métier comme un cheval autour d'un pressoir. Ils y perdent les leçons du hasard, et ce sont les meilleurs. Il ajoute que la seule science qui mérite la peine d'être apprise, c'est la vie. Il me semble qu'on l'apprend sans le vouloir et sans y penser. En attendant, il bat le pavé de Paris, meilleur peut-être, mais assurément moins bon qu'il ne l'était, à Cormel. Gilbert est un peu en ce moment comme ces armes dont l'acier a rencontré dans le feu des batailles, le fer et le bronze des baïonnettes et des cuirasses. La trempe en est mieux éprouvée, mais çà et là, elles sont ébréchées et portent la trace des coups portés et rendus. Quoi qu'il arrive, il sera mon frère. Les liens du sang n'y pourraient rien ajouter. Lorsque ma pensée s'arrête sur Madame d'Albreuse, elle ne m'apparaît plus vêtue de lumière et entourée d'une auréole. L'ange porte une tache au front qui la dépare et la souille. Elle me rappelle ces figures symboliques dont l'Antiquité grecque et le Moyen-Âge ont popularisé les formes. Sous la robe flottante au long pli se tord la queue chargée d'écailles de la sirène, où s'allonge tout à coup le pied fourche du bouc. Certaines âmes, dit-on, peuvent rester éprises lors même qu'elles ont perdu l'illusion. L'estime envolée, l'amour y demeure. Que Dieu me retire celle que je lui dois si un jour elle pouvait tomber dans cet avilissement. Il y a des heures où la solitude me pèse, cette solitude de Paris surtout qui paraît plus profonde par le spectacle de la foule. Mais en sortir n'est pas facile. Je n'ai point d'attrait pour le plaisir. Le plaisir sans émotion me semble vide, avec quelque chose de vulgaire qui amoindrit. Où le cœur n'est pas, rien n'est. J'étais sorti l'autre soir avec un besoin singulier de communion et de sympathie. Je courus tout d'abord chez Gilbert. Il était en promenade depuis le matin. De rue en rue, j'arrivais bientôt jusqu'au boulevard. Une multitude bizarre et remuante l'encombrait. Je me souvins tout à coup que c'était ce jour-là, le jeudi de la mi-carême. Un bruit confus retentissait partout. Des voitures passaient sur la chaussée chargées de masques qui s'agitaient. Il y avait dans l'air comme un souffle d'ivresse. Le ciel était noir, la ville noire aussi, avec des milliers de clartés tremblantes qui rayonnaient dans la nuit. Les rumeurs du carnaval à son réveil grondaient dans les rues. On voyait par groupes, revêtus des costumes les plus étranges, des jeunes femmes et des jeunes gens qui s'appelaient, se cherchaient, se joignaient et se séparaient. En tout lieu, des cris, des grimaces, des refrains, des quolibets. Aux abords de l'opéra, la foule portait la foule. Les ifs enflammés secoués par le vent, projetés dans l'ombre des nappes de lumière qui s'étendaient au loin, illuminant cette multitude, puis tout à coup s'éteignaient. J'étais seul toujours. La tristesse me prit, et je me rappelais cette fameuse poésie d'un enfant du siècle où ce vers éclate. Dieu juste, pleurer seul par une nuit pareille. Subitement parut à l'angle de la rue une voiture menée en poste par deux postillons qui faisaient claquer leurs fouets. Les chevaux enlevaient des tourbillons d'étincelles, des pavés retentissants. La large voiture était pleine de figures bariolées. Un mouvement de la foule me porta vers le théâtre sous les feux de 100 becs de gaz. Au milieu des créatures humaines entraînées par cet ouragan, j'aperçus Gilbert. Il me reconnut et jetant ses bras en l'air, « Viens ça !» cria-t-il. 2 minutes après, comment, par quelle voie, que sais-je, j'étais dans une loge tapissée de soie. Un air chaud me frappait au visage et une cohue infernale tourbillonnait à mes pieds parmi des fanfares. Près de moi, des femmes étaient assises ou penchées dans des attitudes abandonnées. Leurs yeux luisaient par les trous des masques comme des yeux d'émail sur des statues de marbre noir. Des senteurs énervantes s'échappaient des vêtements de moire et de satin. « Regarde et choisis !» continua Gilbert, et il enleva 2 ou 3 masques dont les barbes s'effilaient à portée de sa main. Des rires éclatants lui répondirent. Je vis des dents blanches, des joues pâles, des fronts hardis, des chairs jeunes et superbes qui ne frissonnaient plus sous le regard. « Par Dieu, ajouta-t-il, je vous présente un mélancolique, un ténébreux. Avant 1 heure, il faut qu'il soit converti à toutes les folies. « Amen, répondit ma voisine, une petite femme blonde qui avait la mine rose d'un chérubin. Gilbert me prit à part. « Voyons, n'es-tu pas là de t'acharner après une sottise ? J'en ai fait 5 ans dont je ne me souviens plus. Au diable, les passions sérieuses, cours droit au tapage. Je ne sais pas si c'est très gai, mais on fait du bruit, et cela peut donner à croire qu'on s'amuse. Je ne jure pas que les princesses qui t'entourent soient des personnes dont on puisse faire des Lavalières ou des Héloïses. Mais elles ont 20 ans et font plus de cas d'un verre de vin de champagne que de l'éternité. Tu peux battre avec elles les buissons de la vie sans courir le risque d'y laisser autre chose qu'un pan de ton manteau. Épine pour épine, j'aime encore mieux celle qui tond la laine que celle qui déchire le cœur. Donc, en avant !» Il me frappa dans la main et sauta par-dessus la banquette qui séparait notre loge d'avant-scène de la salle. Une porte s'ouvrit derrière moi et un flot de soie, de dentelle et de satin pénétra dans la loge. 2 mains mignonnes s'appuyèrent sur mon bras, un rire argentin éclata à mon oreille et je me trouvai emprisonné dans un tourbillon. Que me disait-on ? Que répondais-je ? Je l'ignore. Le vertige m'avait pris. La foule allait, venait partout avec un grand murmure. C'était comme un fleuve noir dont les ondes agitées m'entraînaient dans leur course. Des rumeurs s'en élevaient parfois. Il y avait ça et là des visages sombres, et dans les coins des visages brisés de lassitude. On riait tout à coup avec fracas. Je riais, je me demandais « Pourquoi rit-on ? » Gilbert me frappa brusquement sur l'épaule. « À la bonne heure, » me dit-il. « Il n'y a que la première équipée qui coûte. » 2 ou 3 heures après, j'étais dans un salon, devant une table splendidement illuminée et toute chargée de cristaux et de porcelaine. Mes voisines grignotaient des truffes. On remplit les verres. Je vis pétiller la mousse du vin de champagne. Bientôt, ce fut un grand bruit, des cris, des chansons. Cependant, la fatigue faisait passer des frissons sur tous ces visages blêmes. L'une de mes compagnes laissa tomber sa tête sur mon épaule. « Aime-moi, je t'aimerai. » dit-elle, et elle s'endormit. « Qu'en dis-tu ? » me cria Gilbert. Il se leva, une coupe à la main. Chacun l'imita. La confusion devint extrême. Je fis un bond et me trouvai dans la rue. L'aube blanchissait. Une clarté livide et froide descendait des toits. De pauvres créatures vêtues de haillons faisaient la toilette du boulevard. Je me mis à marcher fort vite. « Eh bien non ! » m'écriai-je. « De tels plaisirs ne sont pas mes hôtes de chaque jour. » Les larmes sont plus saines. Je ne dégraderai pas mon âme dans ces folies, qui n'ont même pas la fièvre pour excuse. Quelque chose se révolte et crie en moi qui me trouble plus que ne l'ont fait mes longues tristesses. Que d'autres s'oublient dans ces ivresses menteuses, moi je n'en veux pas. Qu'importe la solitude et qu'importe qu'une femme ait trompé mon rêve, je ne me tromperai pas moi-même. Une fontaine était sur mon chemin. J'y trempai mes mains et mon visage comme pour en effacer les traces de la nuit. Et je rentrai dans cette chambre où les pieds de Julie s'étaient posés. J'ai soif de grand air, de lumière, de liberté. Paris m'étouffe. Son continuel tapage m'assourdit. Je n'y resterai pas longtemps. Et puis je pense à Léopoldine. qu'elle avait l'air bon, une âme saine dans un regard clair. Une lettre de mon père m'est arrivée ce matin. Il m'a semblé que c'était le salut. Elle ne contenait que ces mots. Puisque tu ne trouves rien, et que le ton des lettres que tu m'écris, ainsi qu'à M. de Bléré, ne me prouve pas que tu aies plus rien à gagner au séjour de Paris, j'ai fait choix pour toi d'une occupation qui complétera ce qui te manque au point de vue de l'éducation pratique. Un mot que je glisse sous la même enveloppe t'ouvrira les portes d'une usine dont les hautes cheminées se dressent à F, sur les bords de la Loire. Le directeur de cet établissement métallurgique est un ami de M. de Bléré. Sur sa recommandation, et en prévoyance de ce que tu sais, il te chargera des fonctions de contremaître. Tu manieras les pinces, le pic, les tenailles. Un grand nombre d'ouvriers s'agiteront autour de toi. Tu auras des ordres à recevoir, des ordres à donner. Sois exact et vigilant. Je t'engage à partir aussitôt ma lettre reçue. Tu sais le vieil adage, tout travail mérite salaire. On a fixé le chiffre provisoire de tes émoluments à la somme annuelle de 2500 francs. Avec cette somme, et dans le pays que tu vas habiter, tu peux vivre. Il me semble d'ailleurs que le moment est venu où tu dois être curieux de savoir si, véritablement, tu portes en toi la force qui permet de gagner le pain qu'on mange. Va donc, ma pensée sera avec toi. J'eus bientôt fait de vider mes tiroirs et de remplir une valise. Un écolier qui part pour sa première excursion n'éprouve pas une joie plus sincère. En un tour de main, tout fut achevé. Je n'avais qu'une personne à voir dans l'acception véritable du mot. C'était Gilbert. Quant à mes autres connaissances, quelques cartes avec les trois lettres PPC suffisaient. À Paris, on ne laisse presque jamais rien derrière soi. Gilbert parut tout surpris. « Ton père a de singulières idées, » s'écria-t-il. « Ce n'est pas à nous, cependant, de le juger. »« Non, certes. » »« Qui diable a jamais ouï parler d'un marquis forgeron ?»« Soldat, je l'aurais mieux compris. » Soldat et ouvrier, cela se touche par le coude. Tu as peut-être raison. Si quelqu'un a raison dans ce cas, c'est mon père. Oh, je ne discuterai pas avec le duc. Ainsi, tu pars sans regret. Bien au contraire, je suis fier de me sentir bon à quelque chose. Ma foi, si Paris m'ennuie, et ça pourrait bien arriver quelque jour, je serai homme à te rejoindre. Nous ferons à nous deux notre tour de France. À propos, si les 2500 francs qui te sont alloués ne te suffisent pas, ne te gêne point. Tire sur moi, comme autrefois M. de Bléré tirait sur les bécassines. Eh, bon Dieu, pourquoi faire? Ne serait-ce que pour couronner des rosières et marier des amoureux. Il doit y en avoir encore dans les campagnes. Nous nous sommes embrassés et je suis parti.